إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أشكر الله تبارك وتعالى، أشكره على نعمه العديدة التي لا تعد ولا تحصى، واشكر الله عز وجل على أن جمع في هذا اليوم عيدين، عيد الأسبوع وعيد الفطر، فاشكروا الله عز وجل واحمدوه. ثم اعلموا أيها المسلمون أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده هدايته للإسلام، فمن هداه الله للإسلام فقد منحه الله أعظم النعم وأكبرها وأجلها، فلا نعمة أعظم من نعمة الإسلام. أيها المسلم، فاشكر الله على هذه النعمة، واسأل الله تبارك وتعالى، واسأل الله الثبات على ذلك والاستقامة عليه. أيها المسلم، دينك دين الإسلام، دين العقيدة الصحيحة، دين السماحة، دين المعاملة والأخلاق الكريمة، دين تكفل الله عز وجل بحفظه فلم يكله إلى الخلق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دين ضمن له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. دين الإسلام دين أوحاه الله عز وجل إلى نبيه من فوق سبع سماوات، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دين مصدره الوحيان الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دين أكمله الله وأتمه ورضيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دين الإسلام أعظم الأديان وأفضلها على الإطلاق، فكتاب الله عز وجل، فالقرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، مرجع الخلق عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. دين الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chers musulmans et musulmanes, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez reconnaissants envers lui, Azza wa Jal, de par le fait qu'il est réuni dans ce jour béni, ce jour du vendredi, deux fêtes, la fête hebdomadaire qui est le vendredi et la fête est l'une des fêtes et l'une des deux fêtes de l'année, à savoir la fête de Eid al-Fitr. Remercie donc Allah Azza wa Jal de par ce grand bienfait dont il vous a comblé et exprimez votre joie et votre bonheur en ce jour béni. Remerciez Allah Azza wa Jal par vos cœurs, remerciez Allah Azza wa Jal par vos langues et remerciez Allah Azza wa Jal par diverses adorations. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que nul doute que le plus immense des bienfaits dont Allah Azza wa Jal peut combler l'un de ses serviteurs est le fait de le guider à l'islam. Celui dont Allah Azza wa Jal a guidé à l'islam lui a accordé la plus immense, la plus grandiose, le plus immense, le plus grandiose des bienfaits. Il n'y a pas de bienfait plus immense après le bienfait de l'islam. Sois donc reconnaissant, chers musulmans et musulmanes, sois donc reconnaissant envers ton Seigneur vis-à-vis de ce bienfait immense et demande à Allah Azza wa Jal de raffermir tes pas dans l'islam et demande à Allah Azza wa Jal d'être droit sur ce chemin. Sache, chers musulmans et musulmanes, que ta religion est la religion musulmane, la religion qui est dotée de la croyance authentique, la religion qui t'enseigne et qui te pousse à œuvrer et à faire preuve de bon comportement. La religion musulmane est une religion qu'Allah Azza wa Jal s'est chargé personnellement de préserver. Allah Azza wa Jal n'a légué la protection de cette religion musulmane à personne de ses créatures. C'est nous qui avons fait révéler, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes le protecteur. Allah Azza wa Jal a garanti à cette religion musulmane le fait qu'elle reste et qu'elle perdure jusqu'à la fin des temps. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et il ne cessera d'exister un groupe de ma communauté qui seront sur la vérité apparent, ne leur feront aucun mal et ne leur causeront aucun préjudice, ni ceux qui les contredisent, ni ceux qui les trahissent, jusqu'à ce que le commandement d'Allah vienne. » Cette religion musulmane est une religion qu'Allah Azza wa Jal a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'au-dessus des sept cieux. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceci, c'est-à-dire le Coran, c'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre et l'Esprit fidèle qui est Jibril est descendu avec cela sur ton cœur ô Muhammad pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Une religion qui puise ses sources du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une révélation, comme le dit Allah Azza wa Jal selon le sens, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Une religion qu'Allah Azza wa Jal a complété, qu'Allah Azza wa Jal a parachevé et qu'Allah Azza wa Jal a agréé. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agréé pour vous l'islam comme religion. Et il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, ceci proclame de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. La religion musulmane est sans aucun doute et de loin la meilleure des religions. Le livre d'Allah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut être précédé ni suivi d'aucun faux. C'est une révélation de la part du Tout-Sage, subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, c'est vers celui-ci que les créatures se retournent lorsqu'ils sont en désaccord. Il dit subhanahu wa ta'ala, et si vous êtes en désaccord sur une chose, retournez-la à Allah et à son envoyé, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala son le sens, et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé explicite de toutes choses. La religion musulmane est la religion de la fitra. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la créature d'Allah. Il dit à la création d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un nouveau-né qui naît sans qu'il naît selon la fitra. Et ce sont ses parents qui font de lui soit un juif, soit un chrétien, ou soit un mage. Ayyuha al-muslimoun, dinu l'islam, ahluhu hum awliya'ullah, wallahu waliyuhum wa mu'ayyiduhum, allahu waliyu alladhina amanu, yukhrijuhum min al-zulumati ila al-nur. Ayyuha al-muslim, la in tafakhara al-nasu bi amwalihim, aw iftakharu bi ansabihim wa ahsabihim, aw bima utu min ilmin wa ma'rifah, فكل ذلك عرض زائل إذا خلا ذلك من الإسلام. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها المسلم، أنت تحمل أعظم دين وتنتسب إلى أفضل ملة، فاعرف قدر نفسك واعرف قدر هذا الدين الذي تنتسب إليه، تمسك به علما وعملا، ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، واعتقد أنه الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كن عزيزا بدينك بتمسكك به وعملك به وأدائك لشعائره ورضاك به. فالله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Chers musulmans et musulmanes, sachez que les musulmans, ceux qui suivent la religion musulmane, sont les alliés d'Allah Azza wa Jal. Allah est leur allié et Allah Azza wa Jal les soutient. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Chers musulmans et musulmanes, si des gens sont fiers de leurs biens, et si d'autres sont fiers de leur lignée, et si d'autres sont fiers de par la science qu'ils détiennent, tout ceci n'est que bien mondain. Tout ceci n'est que bien mondain sans valeur lorsqu'il est dénué de l'islam. Allah Azza wa Jal dit son le sens. L'on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est jouissance pour la vie d'ici-bas, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a le bon retour. Chers musulmans et musulmanes, sache que tu portes la meilleure et la plus immense des religions, et sache que tu t'attribues à la meilleure des communautés. Connais donc la valeur qui est la tienne, et connais donc la valeur de ta religion à laquelle tu t'affilies. Accroche-toi fermement à cette religion, par la science et par les actes. Accroche-toi à l'islam, de façon apparente comme de façon cachée. Accroche-toi à la croyance de l'islam. Accroche-toi à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mets en application les comportements et les transactions auxquelles appelle l'islam. Et n'aie aucun doute et sois persuadé que l'islam est l'unique et seule vérité et qu'Allah Azza wa Jal ne saurait accepter une autre religion autre que l'islam et qu'Allah Azza wa Jal ne saurait accepter une religion autre que l'islam. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, et celui qui prend autre que l'islam comme religion, rien ne sera accepté de lui et il fera partie dans l'au-delà des perdants. Sois donc fier de ta religion, accroche-toi à celle-ci, mets-la en pratique, mets en pratique les emblèmes de cet islam. Sois fier et sois apaisé vis-à-vis de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلم، هذا دين الإسلام، دين الخير والعدل، دين الرحمة، دين السعادة في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتمسك أيها المسلم بهذا الدين واعلم أنه الدين الحق، نسخ الله به كل الأديان وجعل الإسلام وصفا خاصا بهذا الدين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة المحمدية خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله إذا تمسكت بهذا الدين وقامت به علما وعملا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاحمد الله أيها المسلم على هذه النعمة واشكر الله عليها بقلبك ولسانك وجوارحك، واسأل الله أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يرزقك الاستقامة إلى أن تلقاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Chers musulmans et musulmanes, voici votre religion musulmane, l'islam, la religion du bien et de la justice, la religion de la miséricorde, la religion qui accorde le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala, et celui qui suit ma voie ne saurait ni s'égarer ni être malheureux, et celui qui se détourne de mon rappel, alors à lui une vie pleine de gêne. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui font de bonnes œuvres parmi les hommes et les femmes tout en étant croyants, alors nous leur accorderons une vie bonne et nous les récompenserons de la meilleure récompense selon les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Accroche-toi donc à ta religion, chers musulmans et musulmanes, et sache que c'est la religion de vérité, une religion par laquelle Allah Azza wa Jal a effacé et abrogé les autres religions après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la communauté de Muhammad est la meilleure des communautés et celle qui a le plus de mérite et le plus d'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que cette communauté s'accroche à cette religion et apprenne cette religion puis la mette en pratique. Et il dit subhanahu wa ta'ala, vous êtes la meilleure communauté qui est surgie pour les gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Sois donc reconnaissant envers Allah azza wa jal de par ce bienfait. Sois reconnaissant envers Allah par ton cœur, ta langue et les membres de ton corps. Et demande à Allah azza wa jal que ton cœur ne dévie pas après avoir connu la guidée. Et demande à Allah azza wa jal qu'il t'accorde la droiture et la fermeté dans cette religion jusqu'à ce que tu le rencontres. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah, puis sont restent fermes sur le droit chemin, alors les anges descendent sur eux et leur disent de ne pas avoir peur et de ne pas être attristés et ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et vous y aurez tout ce que vos âmes y souhaitent et vous y aurez tout ce que vous réclamerez. Ayouha al-Muslim, فدينك عزيز عليك فاحمد الله عليه وأعلنه دائما وادع إليه في كل المناسبات وأظهر تمسكك به وثباتك عليه وإن العزة والنصر لك عاجلا وآجلا. أما أن تخجل أن تقول أنا مسلم أو أن تخجل أن تقول هذا حرمه ديننا أو هذا أوجبه إسلامنا فهذا دليل على الضعف والوهن. والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فدينك الذي أكرمك الله به أعلنه وأظهره، تمسك به حق التمسك دون أن تجامل على حساب دينك، كف عما حرم الله عليك لأن هذا دليل على اقتناعك. نفذ الواجبات وأدي الواجبات وأظهر خلق الإسلام ومحاسنه وفضائله لتكون من المؤمنين حقا. Chers musulmans et musulmanes, sache que ta religion est chère pour toi, c'est le bien le plus précieux que tu possèdes, et n'hésite pas à proclamer ta religion dans chaque événement et à chaque occasion qui t'est offerte. Montre de façon ouverte ton accrochement et ton attachement à cette religion et sois fier et fais preuve de fermeté vis-à-vis de cela et sache que la puissance et la victoire sera à toi. Si ce n'est dans l'immédiat, ce sera par la suite. Quant à ceux qui éprouvent de la gêne, de dire « je suis musulman » ou ceux qui éprouvent de la gêne à dire « ceci notre religion l'interdit » ou « ceci notre religion nous l'ordonne », ceci est une preuve de faiblesse et une preuve que la personne se laisse abattre. Or Allah subhanahu wa ta'ala nous dit son le sens et ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Cette religion, Allah Azza wa Jal t'a honoré par elle, chers musulmans et musulmanes. Proclame-la, accroche-toi à celle-ci et ne fais aucune concession dans ta religion. Abstiens-toi de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit, car ceci est une preuve que tu es satisfait et que tu es convaincu de ta religion. Mets en pratique les ordres, mets en application les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et montre au grand jour les bons mœurs et les bons comportements auxquels appelle l'islam afin que tu fasses partie des véritables croyants. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل المسلمين متمسكين بكتاب بربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام.